souvenir, pourquoi nous sommes nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir, pourquoi nous sommes nous laissés? Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi ton cœur a serré? Et pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi? J'aimerais tellement qu'on me réveille. Que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai déjà tellement pleuré. Plus rien ne me donne envie d'aller plus loin dans cette vie. Je vais sombrer dans la folie. Si tu laisses mon cœur en sursis, alors cette nuit, cette nuit, cette nuit, pense à moi. Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir.